الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد sachez qu'Allah تبارك وتعالى a choisi certaines âmes et certains de ces êtres humains pour les honorer et il en a choisi certains pour transmettre sa religion sublime qu'est l'islam et sachez aussi que parmi les trois fondements qui sont obligatoires à chaque musulman d'apprendre, de connaître, de savoir et de comprendre, et au sujet duquel chaque personne parmi nous sera questionnée dans sa tombe, c'est la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن القيم رحمه الله اضطرار العباد إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر فوق كل ضرورة. ابن القيم رحمه الله il dit il est obligatoire pour chaque musulman de connaître le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, de croire en ce qu'il nous a informé et de lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Et ceci est au-dessus de toute autre obligation. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, huwa khayru waladi Adam, ala l'itlaq. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est le meilleur des enfants d'Adam. Et il est le plus honorable des enfants d'Adam ici-bas et dans l'au-delà. Wasmuhu Muhammad ibn Abdul Muttalib, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'appelle Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il a choisi Muhammad, alayhi salatu wassalam, parmi le clan des Bani Hashim. Et il a choisi le clan de Bani Hashim parmi la tribu de Quraysh. Et la tribu de Quraysh, c'est une tribu arabe. Et Quraysh, cette tribu, elle fait partie de la descendance d'une des meilleures créatures que la terre ait eu à porter, Ismaïl, alayhi salam, le fils d'Ibrahim al-Khalil, l'ami intime d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est la crème de l'élite de la création d'Allah azza wa jal. Et Muhammad alayhi salatu wassalam, il a la meilleure des lignées qui puisse exister. Et il dit lui-même dans le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, il dit فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَسَبًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, il dit je suis le meilleur d'entre eux concernant la descendance. Et le prophète alayhi salatu wassalam a également d'autres noms. Il n'y a pas que Muhammad, comme cela est mentionné dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Il dit « Inna li asma'a, wa ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. متفق عليه. Le prophète, on a dit qu'il avait plusieurs noms, comme ceci est rapporté dans le hadith, qui est rapporté par le Bukhari au Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je possède plusieurs noms. Je suis Muhammad, c'est-à-dire celui qui est digne de louange. Et je suis Ahmed, celui qui est le plus loué. Et je suis Al-Mahi, avec qui Allah tabaraka wa ta'ala efface la mécréance. Et je suis Al-Hashir, celui autour de qui seront ressuscités les gens. Et je suis Al-Aqib, après qui il n'y a ni prophète ni messager. Et le père du prophète, alayhi salatu wassalam, s'appelait Abdullah. Et il mourut alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, était encore dans le ventre de sa mère. Et son père est mort sur la mécréance. Un jour, un homme va voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit: où est mon père? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a répondu: finna, il est dans le feu. L'homme s'est retourné et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé, lui a dit: viens. Il lui a dit: inna abi wa abaka finna. Mon père et ton père sont dans le feu. Et sa mère, au prophète alayhi salatu wassalam, elle s'appelait Amina. Et elle dit, en parlant du moment où elle avait le prophète alayhi salatu wassalam dans son ventre, elle dit: quand j'étais enceinte du prophète, yani, je n'ai senti aucune douleur et aucune difficulté à porter cet enfant. Et quand il sortit, une lumière sortit avec lui et se propagea jusqu'à éclairer Shem. Et Shem, c'est l'actuelle Jordanie, Palestine, Liban et Syrie. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, fut confié à deux nourrices pour qu'il soit allaité. La première, elle s'appelle Thuwayba, une servante de son oncle Abu Lahab. Et la deuxième, qui l'a allaitée, elle s'appelle Halima, al-Sa'diya, qui l'a allaitée à la campagne. Et sa mère, la mère au prophète, alayhi salatu wassalam, décéda après que le prophète, alayhi salatu wassalam, ait eu 6 ans. Et l'année de Fath, quand Allah Azza wa Jal donna la victoire aux musulmans, et que le prophète, alayhi salatu wassalam, se dirigeait vers Mecca pour y entrer triomphant et victorieux, il passa par l'Abwa. Et l'Abwa, c'est l'endroit où est décédée la mère, où est enterrée la mère du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda alors la permission à son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de visiter sa tombe. Allah Azza wa Jal lui a permis, et il alla visiter la tombe de sa mère. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pleura longuement, à tel point que les compagnons pleurèrent avec lui. Et il dit: زوروا قبوركم فإنها تذكركم الموت. Visitez les tombes car elles vous rappelleront la mort. Rawahu Muslim. Et le prophète alayhi salatu wassalam a donc grandi orphelin des deux parents, isolé de leur éducation et de leur amour. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul: alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors qu'il t'a accueilli? Allah azza wa jal, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors il t'a accueilli? Il fut ensuite éduqué et chéri par Ayman, une servante qu'il avait héritée de son père. Et il était à ce moment-là sous la tutelle de son grand-père, Abdul Muttalib. Mais quand il eut atteint l'âge de 8 ans, son grand-père décéda. Son grand-père décéda et avant de mourir, il a demandé à son fils Abu Talib, le père de Ali, radiallahu anhu, de s'occuper du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, grandit alors de giron en giron, et de tutelle en tutelle, et ceci sous la prédiction de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, le Tout-Puissant. Et dès son plus jeune âge, Allah Azza wa Jal lui fit détester l'adoration des idoles et des statues. Allah Azza wa Jal l'en a protégé dans son enfance et dans son adolescence. Jamais le prophète, alayhi salatu wassalam, ne salua une idole, où jamais il n'a touché une statue. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, se maria avant la révélation avec une des meilleures femmes de ce bas monde, une femme pure et pieuse, douée d'une raison sans pareille, Khadija bint Khuwaylid, radiallahu anha wa ardaha. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a eu des enfants de cette femme pieuse. Il a eu le premier, il a eu deux garçons. Al-Qasim, le premier, et c'est pour cette raison qu'on appelait le prophète, alayhi salatu wassalam, Abul Qasim. Et il a eu Abdullah, après la révélation qu'on appelait également Tahir ou Tayyib, parce qu'il était né dans l'islam. Et il a eu quatre filles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avec Khadija, a eu quatre filles. Zaynab, la première, qui est la plus grande, et qui se marie avec son cousin maternel, Abu al-As ibn al-Rubay'a. Et c'est elle qui est la plus âgée. Et il a eu la deuxième fille qui s'appelle Ruqiyya, qui se marie avec Utba ibn Abi Lahab, qui la divorça, puis Uthman ibn Affan se marie avec elle, radiyallahu anhuma. Ensuite, il y a eu Kalthoum, qui épousa le deuxième fils de Abu Lahab, qui lui aussi la divorça, puis elle se marie avec Uthman après le décès de Ruqiyya. Et il y a eu Fatima, radiyallahu anha, qui a épousé Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anha, qui est la mère Fatima, elle est la mère de Hassan ou Hussein, qui sont les meilleurs des jeunes du paradis. Et tous ses enfants, il les a eus avec Khadija, radiyallahu anha, avant l'islam, sauf Abdullah. Et il a eu également un autre enfant avec Marie al-Qibtiya, Marie à la Copte. Il a eu Ibrahim, qui est décédé en bas âge. Et Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il avait une quarantaine d'années et que la terre était plongée dans les ténèbres de l'association et que la terre était plongée dans l'adoration des statues et de toute autre chose en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les gens de cette époque, pour la plupart, étaient sans foi ni loi. Et ils faisaient couler le sang, et ils coupaient les liens de parenté, et ils honoraient les sorciers et les devins. Mais malgré toutes ces difficultés, le prophète, alayhi salatu wassalam, invita les gens à n'adorer qu'un Dieu unique, Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a accompli cette mission avec patience et endurance, et en endurant le tort que lui faisait subir son peuple, qui le traitait de menteur, de fou et de poète. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le nom de notre prophète alayhi salatu wassalam, et il a élevé son décret. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam des miracles éclatants, des preuves évidentes. Il lui a donné la victoire en mettant la terreur dans le cœur de ses ennemis et de ses détracteurs. Allah tabaraka wa ta'ala a entrouvert la lune pour notre prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a donné le Coran qui a ébahi les gens éloquents de son époque. Et il fit jaillir de ses mains ou de ses doigts de l'eau. Et un chameau lui a parlé et s'est plaint de lui et s'est plaint à lui. Et il informa également le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a informé également sur les événements qui allaient se passer et qui effectivement se sont produits. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a également pardonné ses péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier dont la tombe s'ouvrira le jour de la résurrection. Et il sera le premier qui fera intercession. Et ce sera le prophète le plus suivi, alayhi salatu wa sallam. Et il sera le premier à frapper à la porte du paradis. Et il sera le premier à franchir le pont qui surplombe l'enfer, as-sirat. Et malgré tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un serviteur reconnaissant. Il se levait la nuit pour prier, à tel point que ses pieds se fendaient. Aisha radiallahu anha lui a dit un jour, ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu fais tout cela alors qu'Allah azza wa jalla t'a pardonné tes péchés précédents et ceux qui vont suivre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, afala akunu abdan shakura, n'ai-je pas le droit d'être un serviteur reconnaissant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la prière par-dessus tout. Il l'accomplissait avec crainte et piété, et il l'avouait exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulu Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu, ataytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء رواه أحمد. عبد الله بن شخير est arrivé chez le prophète, il a dit, je suis arrivé un jour chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou une nuit, alors qu'il priait, j'ai alors entendu dans sa poitrine un bouillonnement pareil à celui d'une marmite, tellement il pleurait, rawahu Ahmad. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait sur sa propre personne, Wallahi, inni la atqakum lillah, muttafaqun alayhi. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il disait sur sa propre personne, par Allah, je suis celui qui craint le plus Allah, tabaraka wa ta'ala, parmi vous, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et il glorifiait son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et il avait un comportement exemplaire vis-à-vis de son Créateur, azza sha'nuh. Et il ne prétendait pas détenir des choses que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, possède. Allah Azza wa Jal dit de dire au prophète alayhi salatu salam, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Allah Azza wa Jal dit de dire au prophète alayhi salatu salam, pour montrer que le prophète ne détient rien de la royauté et de la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, je ne détiens pour moi ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتْ فَقَالَ أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ رَوَاهُ النَّسَائِي. Un homme va voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit, si toi et Allah voulez. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourna et lui dit, est-ce que tu m'as mis d'égal à égal avec Allah tabaraka wa ta'ala? Dis plutôt si Allah veut seul. Rawahu an-Nasa'i. Wa qala Allahu lahu, qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Et Allah azza wa jalla lui dit de dire, je ne possède aucun moyen pour vous. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, c'est-à-dire que je ne suis qu'un être humain, comme vous, et il m'a été révélé. Mais je ne détiens pas votre guidée, ni votre égarement. Mais tout cela incombe à Allah, tabaraka wa ta'ala, seul. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était la plus humble des personnes. Et il s'asseyait avec les pauvres. Et il donnait à manger aux indigents. Et il faisait ses lacets lui-même. Et il aidait sa famille. Et il buvait dans des outres et des récipients qui étaient abîmés. Il portait et soulevait avec ses compagnons les briques pour la construction de la mosquée. Et il n'a jamais réprimandé ou critiqué des gens qui travaillaient pour lui. Qala Anas radiyallahu anhu, khadamtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam 9 sinin fama 'aba 'alayya shay'an qat. Rawahu Muslim. Anas radiyallahu anhu a dit, j'ai travaillé et j'ai servi le prophète alayhi salatu wassalam pendant 9 années. Jamais il ne m'a réprimandé pour une chose. Et il honorait les personnes âgées et il les respectait. Et il était humble avec les petits et les enfants. Et s'il passait devant des enfants, eh bien il les saluait. Yaqulu Anas radiyallahu anhu, ma ra'aytu ahadan kana arhama bil'iyal min rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Rawahu Muslim. Anas radiyallahu anhu a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus indulgent et miséricordieux avec les pauvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'une humilité sans pareil. Et il était loin de l'orgueil et de l'arrogance. Yaqulu alayhi salatu wa sallam, innama ana abd, faqulu abdullahi wa rasuluh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Dites serviteur d'Allah et son messager, rawahu al-Bukhari. Et il était doté d'une âme généreuse, alayhi salatu wassalam. Et sa main, ou ses mains, donnaient en abondance. Jamais il n'a refusé de donner à quelqu'un qui lui a demandé une chose. Jamais il n'a refusé de donner une chose à quelqu'un qui lui demandait. Yaqulu Anas radiyallahu anhu, ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. أنس رضي الله عنه a dit, jamais le prophète عليه الصلاة والسلام n'a refusé de donner une chose qu'on lui avait demandé. Et il ne s'énervait pas. et ne se mettait pas en colère pour cette vie d'ici-bas et cette dunya. Et il s'en est détourné et a œuvré, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'au-delà. Et il disait, « Ma li walid dunya, ma ana wa dunya, illa karakibin istadalla tahta shajra, thumma raha wa tarakaha rawahu al-Tirmidhi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, « Qu'ai-je moi avec cette vie d'ici-bas ? Je ne suis pour cette vie qu'un voyageur qui s'est abrité sous l'ombre d'un arbre, qui a repris ensuite son chemin et a délaissé cet arbre. » Rawahu al-Tirmidhi. Et des lunes passaient sans qu'il n'y ait dans la maison du prophète, sans qu'il n'y ait dans la maison du messager d'Allah, la meilleure des créatures, un feu pour se réchauffer. Et les nuits se succédaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il n'y ait de nourriture chez le messager d'Allah, qui est la meilleure des créatures que cette terre n'ait jamais portée. Umar radiallahu anhu disait, « لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل أي رديء التمر ما يملأ بطنه » رواه مسلم. عمر رضي الله عنه disait, « Je voyais le prophète صلى الله عليه وسلم se tordre de douleur tellement il avait faim. Il n'avait même pas الدقل, c'est-à-dire la qualité inférieure des dattes pour remplir son ventre et apaiser sa faim. » Rawah Muslim. Et il sortit un jour, sallallahu alayhi wa sallam, de sa maison sous l'effet de la faim. Et il accrocha une pierre sur son ventre tellement la douleur de la faim était atroce. Les compagnons, ridwanullahi alayhim, savaient quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait faim. Parce que sa voix, elle changeait. Comme ceci est rapporté par Abu Talha. Où est-ce qu'il dit, « Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam. »« Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam. » J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une voix faible tellement il avait faim, alayhi salatu wa sallam. Et les jours passaient dans la maison de la prophétie où on n'y trouvait que de l'eau. Des jours passaient dans la maison de la prophétie où est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala faisait la révélation et on ne trouvait dans cette maison que de l'eau. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. فقال إني مجهود فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك. Un homme vint voir le prophète un jour. Il lui a dit, je suis accablé et je suis éreinté par la faim. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à une de ses épouses si elle avait de la nourriture. Alors cette épouse, elle lui a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai rien à part de l'eau. Alors il demanda à une deuxième qui lui répondit la même chose. Et il demanda à toutes ses épouses et toutes ont répondu qu'elles n'avaient que de l'eau. Et malgré tout cela, et malgré la faim à laquelle il était confronté, il craignit Allah tabaraka wa ta'ala. Et il avait une peur énorme de son Seigneur Azza wa Jal. Quand il trouvait des dattes sur l'endroit qui lui servait de lit, il disait, Laula anni akhsha an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Il disait, si je n'avais pas peur que ces dattes soient données en aumône, je les aurais mangées. Pourquoi? Parce que les prophètes alayhi salatu wassalam n'acceptaient pas les aumônes. Et il fut confronté alayhi salatu wassalam au pire des difficultés dans cette vie d'ici-bas. Et il fut confronté à son intense rudesse. Il grandit orphelin, ne connaissant pas l'amour maternel. Son père mourut alors qu'il ne l'avait jamais vu. Son peuple lui firent du mal, que ce soit avec les actes, que ce soit avec les paroles. Anas radiallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam fut frappé par son peuple jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Et son peuple lui jetèrent même devant la Kaaba, pendant qu'il était en train de prier, des excréments alors qu'il était en soujoud, wa'iyadu billah. Et ils le traitèrent de fou, et une fois de sorcier, une fois de menteur. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Et Allah Azza wa Jal nous dit que les mécréants dirent au sujet du prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est qu'un sorcier fou. Et quand il émigra à Médine, il fut poursuivi par son peuple. Et se réfugia dans la grotte, accablé, attristé, effrayé, apeuré. Et pourtant, il a dit à son compagnon Abu Bakr, radiallahu anhu, pour le raffermir, il lui a dit, la tahzan, inna Allah ma'ana, ne t'afflige pas, car Allah tabaraka wa ta'ala est avec nous. Et lors de la bataille de Uhud, son casque fut fendu. Ses molaires furent cassés. Son visage fut atteint et son sang a coulé, alayhi salatu wa salam. Et il fut atteint par la famine. Et il fut atteint par la dureté de l'ennemi. On empoisonna sa nourriture. Et on ensorcela certains membres de sa famille. Et une fois à Taif, alors qu'il faisait la da'wa et qu'il invitait les gens au tawhid, les gens le chassèrent. Les gens de Taif le chassèrent. Et ont ordonné à leurs enfants de lui lancer des pierres. Sur le chemin du retour, et malgré tout cela, quand Jibril alayhi salam lui dit qu'il n'attendait que son ordre pour ordonner à l'ange de la montagne de renverser les deux montagnes sur ce peuple-là, sur le peuple de Taif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a muttafaqun alayh » Il dit « J'espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera sortir de leur descendance » des gens qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala et qui ne lui associent rien. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Voyez comment notre prophète alayhi salatu wa salam était doux et compatissant malgré le tort qu'on lui faisait subir. Et les épreuves se sont succédées et son Seigneur lui disait Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Et il lui disait patiente et endure ya Muhammad comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Et 6 de ses enfants sont décédés de son vivant. Mais ces épreuves ne l'ont nullement fait plier dans sa mission qui était d'inviter les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au contraire, il patienta et il disait « لَقَدْ أُوْذِيتُ فِي اللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدْ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا يُخَافُ أَحَدْ » رواه Ahmad. Il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam « J'ai été éprouvé » en Allah tabaraka wa ta'ala, comme personne ne fut éprouvé avant moi. Et j'ai eu peur dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme personne n'a jamais eu peur avant moi. Et il avait le cœur doux, alayhi salatu wa salam, rempli de générosité. Quand il entendait les nourrissons pleurer à la mosquée pendant la prière, il l'allégeait. Il allégeait la salate. Et il visitait le cimetière de Baqir. Et il se rappelait la mort et il pleurait, alayhi salatu wa salam. Il visitait son fils Ibrahim, chez sa nourrice, il venait et le trouvait tout poussiéreux. Il le prenait dans ses bras, il l'embrassait et le sentait, et tout ceci par amour paternel et par compassion. Et quand son fils Ibrahim mourut, les larmes du prophète alayhi salatu wa salam coulèrent et il dit « Inna al-ayna la tadma' wa inna al-qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana » وَإِنَّا عَلَى فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. De nos yeux coulent des larmes et le cœur est triste, mais nous ne dirons que ce qui satisfait notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Mais je suis certes malheureux de me séparer de toi, ya Ibrahim. Le prophète alayhi salatu wa salam était doué d'une raison et d'une sagesse éminente. Aïcha radiallahu anha dit: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما رواه مسلم. Jamais le prophète صلى الله عليه وسلم n'a frappé que ce soit une femme ou un servant de sa main, رواه مسلم. Et il était chaste عليه الصلاة والسلام et honorable. Sa main n'a jamais touché une femme qui lui était interdite. Il était fidèle et loyal et dévoué avec sa famille et ses compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam égorgeait quand il en avait les moyens un mouton et le partageait en morceaux, puis il le distribuait aux amis de son épouse décédée Khadija radiallahu anha. Il pria sur les morts de Uhud après 8 années comme pour leur dire adieu, et il était généreux avec ses compagnons et jamais il n'a passé sa personne avant eux. Jamais le prophète sallallahu alayhi wasallam n'a fait passer sa propre personne avant ses compagnons. Uthman radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous réconfortait. Son comportement avait englobé toute chose et il était compatissant. Et ce n'est pas parce qu'on lui avait fait du tort ou du mal qu'il se vengeait pour autant, mais au contraire, il pardonnait alayhi salatu wassalam, jamais il ne s'énervait ou se mettait en colère pour sa propre personne. Un jour, un bédouin arriva et le tira fort pour lui demander de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourna en souriant et lui a donné ce qu'il avait demandé. Il pardonna à ceux qui avaient mis du poison dans sa nourriture. Il pardonna également à ceux qui l'avaient combattu de sa tribu, de la tribu de Quraysh. Et quand il entra à Am al-Fath, à la Mecque, il leur dit « Idhabu fa antum tulaqa » « Partez, vous êtes libres ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux, était souriant, de bonne humeur. Jalil ibn Abdullah, il dit « Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa tabassam » Rawahu al-Bukhari. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a vu et ne m'a rencontré sans qu'il n'ait souri. Rawahu al-Bukhari. Et il faisait attention à ses compagnons, ridwanullahi alayhim. Il demandait de leurs nouvelles et il les visitait et son comportement laissait des traces sur eux. Le prophète alayhi salatu wassalam était une bonne compagnie et il visitait ses proches et il ne dénigrait personne sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aimait pas les éloges alayhi salatu wassalam. Et des gens un jour vinrent le voir et lui dire « Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Khayrana, Wabna Khayrina, Wasayyidana, Wabna Sayyidina » فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس يا أيها الناس قلوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها رواه النسائي. Donc des gens vont revoir le prophète عليه الصلاة والسلام et lui dire: ô prophète d'Allah, tu es le meilleur d'entre nous, fils du meilleur d'entre nous, tu es le plus noble d'entre nous, fils du plus noble d'entre nous, en lui faisant des éloges. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, leur dit: dites cette parole, mais que le diable ne vous l'enjolive pas. Dites cette parole, parce que c'est une parole vraie, mais que le diable ne vous l'enjolive pas. Mais moi je suis Muhammad, serviteur d'Allah et son messager, et je ne veux pas que vous m'éleviez au-dessus de ma place, celle à laquelle Allah tabaraka wa ta'ala m'a placé. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des invités, il n'était pas excessif dans la préparation des repas. Et les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, l'aimaient d'un amour sans pareil. S'il disait quelque chose, ils l'écoutaient. Et s'il leur donnait quelque chose, ils appliquaient cette chose. Et tellement il respectait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'osait même pas le regarder en face. وأنس رضي الله عنه a dit: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه a dit: il n'y a pas pour les compagnons une personne plus aimée que le prophète عليه الصلاة والسلام. Son comportement était le meilleur. Son comportement au prophète عليه الصلاة والسلام était le meilleur et le plus pur. Cheikh al-Islam rahimahullah a dit: il n'a jamais été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, ne serait-ce qu'un mensonge ou une injustice ou une ruse, mais au contraire, il était la personne la plus véridique, la plus équitable, la plus juste, la plus loyale quant à tenir ses engagements. Et malgré ces changements de situation, qu'il soit dans la crainte, dans la peur, dans la faiblesse ou même en sécurité et en position de force, eh bien son comportement était exemplaire et il était toujours le même. Et il avait un comportement sallallahu alayhi wa sallam exemplaire également avec sa famille. Quand sa fille Fatima radiallahu anha venait le voir, il se levait et il lui disait marhaban, sois la bienvenue, et il la faisait asseoir à ses côtés. Et il disait khayrukum, khayrukum li ahlih, wa ana khayrukum li ahli. Et il disait alayhi salatu wassalam, le meilleur d'entre vous et celui qui a le meilleur comportement avec sa famille. Et moi, j'ai le meilleur comportement avec ma famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné du comportement éminent de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et cela suffit comme preuve, et cela suffit comme éloge. Et quel meilleur éloge que celle d'Allah tabaraka wa ta'ala quand il dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Et Allah azza wa jalla dit: et tu as certes un comportement éminent. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, physiquement, était d'une beauté sans pareille. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était blanc de peau. Et sa peau virait au rouge. Et il n'était ni grand, ni petit, mais il était d'une taille moyenne, sallallahu alayhi wa sallam. Ses cheveux étaient d'un noir intense. Sa poitrine était large. Et il avait une belle barbe ronde. Et il se taillait la moustache. Et son visage était aussi resplendissant que la lune quand elle est pleine. Et son odeur était pareille à du musc. Et il suait beaucoup, alayhi salatu wassalam. Et sa sueur, quand elle coulait, on aurait dit des perles avec une odeur de musc. Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, a dit « Lam ara shay'an qattu ahsana minha » sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bara, il dit « Je n'ai jamais vu quelque chose de meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam » rawahu al-Bukhari. Wa Anas radiallahu anhu, il dit « Ma shamamtu ambaran » ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه وزي Je n'ai pas senti un musc ou un ambar meilleur que l'odeur du prophète عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم était éloquent et explicite. Il n'avait pas besoin de faire de longs discours pour être compris. Et ses heures était voué à l'obéissance, à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et à son agrément. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de dire قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ. Allah azza wa jalla lui dit ma prière, mon sacrifice, ma vie, ma mort appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans associé. Et de son envoi, alayhi salatu wassalam, jusqu'à sa mort, il invita son peuple à adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, seul, sans associé. Il n'y a pas un bien sans que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'ait montré. Il n'y a pas un mal sans qu'il nous ait mis en garde contre ce mal. Et sachez que le prophète, alayhi salatu wassalam, est un être humain. Et il tombait malade. Et il avait faim. Et il avait soif. Et des fois il était triste et il dormait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne détient rien de la seigneurie ou de la divinité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais c'est un messager qui transmet le message de son seigneur azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala il dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْهِ. Dis, je suis un être humain comme vous, mais moi il m'a été révélé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas être surélevé au-dessus de ce qu'il est. Et il ne doit en aucun cas être rabaissé, mais il est obligatoire de le suivre et de lui obéir. Les savants, rahimahumullah, ont dit « يَحْصُلُ تَعْظِيمُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ بِتَعْظِيمِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَلِهْتِدَاءِ بِهَدِّهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ. » La glorification du prophète et son respect ne se fait qu'en obéissant à ce qu'il a ordonné, en obéissant à ce qu'il a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, et en délaissant ce qu'il a interdit, tout en suivant sa sunnah, sallallahu alayhi wa sallam. Et en lui obéissant, en obéissant au prophète, alayhi salatu wa sallam, les bénédictions, les miséricordes et les bienfaits nous atteignent, bi-idhnillah. Allah azza wa jalla dit wa ati'u Allah wa ar-rasul la'allakum turhamun. Obéissez à Allah et à son prophète, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Nous devons aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que même notre propre personne. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in » rawahu al-Bukhari. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas, tant qu'il ne m'aimera pas plus que son fils, plus que son père et plus que tous les gens réunis. » Et dans son suivi, dans le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a la tranquillité et la bonne vie. Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit « Man amila salihan min dhakarin aw untha » وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله عز وجل nous dit quiconque fait une bonne œuvre et le fait de faire des bonnes œuvres, ça ne peut être que dans le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. Quiconque fait une bonne œuvre, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons en fonction de leurs meilleures des actions. Et ceci prouve que la félicité ici-bas et la réussite ici-bas et dans l'au-delà, elle est liée au suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Et la victoire de chacun, elle se fera selon le suivi de la sunna du prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. C'est ainsi qu'était notre prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من حوضه وأن يجعلنا من أتباعه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وصل اللهم على خير البرية على الإطلاق وخير الأنبياء والمرسلين بالاتفاق نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم التلاق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.